Un petit tour et puis s'en reviendront les jours sans ombre. Éclipse tour à tour, chaque lune voilée pour en faire un terrain de jeu secret. Un peu nihiliste, madame a le regard froid, son bel ébéniste la met en émoi. Madame s'ennuie sans lui, monsieur s'est enfui, son fauteuil pour banquise, sa chaleur convoitise. Vienne la pluie et sonne l'heure, chaque nuit dans ses pleurs, madame s'ennuie. Madame s'ennuie en sa demeure et tout.